Chapitre 2e. Monsieur Winslow remit cette lettre à la police. Elle devint bientôt publique et l'étonnant récit qu'elle contenait mit Liverpool en émoi. Je le résume. Le jeune homme fut introduit chez le prince à 3h15 le 10 décembre. Le prince admira le beau choix de bijoux qu'on lui apportait et finalement choisit un collier, une rivière et un bracelet. Le prix du tout était de 10 500 livres. Au sujet du paiement, le prince fut net. « Vous désirez un règlement immédiat, » dit-il en parfait anglais, « et vous préférez de l'argent liquide à un chèque, n'est-ce pas ?»« Oui, je sais vos préoccupations, parfois légitimes, vis-à-vis des étrangers. J'ai justement beaucoup de billets de banque anglais. Vous en serez content, je suppose, car 10 500 livres en or ne seraient peut-être pas très commodes à porter. Si vous voulez prendre la peine de faire le reçu, mon secrétaire, M. Trombert, va finir cette affaire avec vous. » Il prit les bijoux qu'il avait choisis et les enferma dans une petite valise. Le jeune bijoutier écrivait alors le reçu, tandis que M. Trombert lui comptait 500 beaux billets de 100 livres. Après un dernier salut à ce remarquable client, M. Schwartz quitta l'appartement. Dans le hall, il échangea quelques mots avec M. Pettit. Il n'avait fait que quelques pas dans la rue, quand un monsieur, revêtu d'une magnifique pelisse, descendit d'un cab qui stationnait là, s'approcha du jeune homme et lui dit avec beaucoup d'autorité en lui tendant une carte. « Voici mon nom, il faut que je vous parle aussitôt. » M. Schwartz regarda le fin Bristol, et à la lueur d'un réverbère, il lut le nom de Dimitri Slavianski-Burgrenev, chef de la 3e section de la police impériale de Sa Majesté le Tsar. Le possesseur de ce nom imprononçable et de ses titres significatifs désignait du geste le cap d'où il venait de descendre. M. Schwartz, en qui tous les soupçons vis-à-vis de son récent et princier client venaient de renaître, saisit son sac et suivit l'imposant interlocuteur. Ce dernier, aussitôt qu'ils furent assis confortablement dans le cab, commença avec beaucoup de courtoisie dans un anglais peu correct mais aisé. « Excusez-moi, monsieur, de vous dérober un peu de votre temps. Je n'aurais certainement pas pris cette liberté si les intérêts que j'ai en main ne croisaient les vôtres. Il s'agit en effet de démasquer un adroit bandit. » Une terrible appréhension saisit M. Schwartz qui plaça la main sur son portefeuille gonflé. « Ah, je vois, » dit l'aimable russe en souriant. « Il a employé avec vous son procédé des faux billets de banque. »« Des faux billets de banque ?» s'écria le malheureux employé. « Je ne me trompe pas souvent vis-à-vis de mes compatriotes, » continua M. Burgrenev. « Rappelez-vous que j'ai une grande expérience et je ne crois pas faire à monsieur... Comment s'appelle-t-il ici ?»« Le prince, quoi ?»« Semyonitch ?»« Une injustice, en assurant sans même les avoir vus, que les beaux billets que vous avez dans votre poche ne seraient changés pour de l'or par aucune banque. » Se rappelant de plus en plus les soupçons de son oncle et les siens, M. Schwartz s'accusa mentalement et furieusement de folie pour avoir accepté ces billets si aisément, sans s'imaginer un seul instant qu'il puisse être fou. Il sortit son portefeuille avec des doigts tremblants, tandis que le russe faisait craquer une allumette. « Regardez ici, » dit ce dernier en désignant un des billets. « Voyez ce W à la signature du caissier en chef. Je ne suis pourtant pas un agent anglais, mais je distinguerai ce faux W parmi 10 000 vrais. » Le pauvre John Schwartz n'avait jamais vu beaucoup de billets de la Banque d'Angleterre. Mais quoiqu'il ne parlât pas aussi bien l'anglais que son interlocuteur, il comprenait pourtant l'effrayante affirmation. « Alors ce prince n'est pas... »« Non, pas plus prince que vous et moi, » ricana le gentleman de la police de son impériale majesté. « Mais, et les bijoux de M. Winslow ? Les bijoux ? Il peut y avoir une chance de les reprendre. Oh, une simple chance. Ces faux billets, que vous avez si naïvement acceptés, peuvent servir à recouvrer votre propriété. Comment ? Le crime de fabriquer des faux billets et de les mettre en circulation est lourdement puni. Vous savez cela. » Et une peine minimale de 7 ans de travaux forcés peut agir puissamment sur votre prétendu prince. Il renoncera aux bijoux si l'on sait s'y prendre. Je suis chargé d'obtenir qu'il quitte l'Angleterre sans bruit, mais il me faut pour cela l'occasion d'un méfait commis dans ce pays. Vous voyez que nos intérêts sont identiques. Voulez-vous m'aider ? Oh, mais certainement, dit le jeune Allemand. Messieurs Winslow et Vassal ont eu confiance en moi et j'étais un tel idiot. « J'espère qu'il n'est pas trop tard. »« Je l'espère aussi, » dit M. Burgrenev. « Tout en vous parlant, j'ai gardé les yeux sur la porte de l'hôtel. Et notre ami le prince n'est pas encore sorti. Nous sommes habitués à voir les yeux partout. nous autres agents de la police secrète russe. Je crois qu'il vaut mieux que vous ne soyez pas présents à mon entrevue, car la restitution de vos bijoux n'est qu'une petite formalité. Je vais faire allusion à des affaires politiques extrêmement importantes. Le drôle sera heureux, je crois, de restituer les bijoux et de prendre immédiatement le premier bateau. Ainsi, ma mission sera remplie et une grosse perte vous sera épargnée. Mais je dois vous demander votre parole d'honneur de ne parler de mon intervention à personne. Vous me donnez cette parole ? Entendu. Maintenant, attendez-moi dans le cab. Voulez-vous me remettre ces admirables billets ? Merci. D'ailleurs, je ne serai pas long. Il glissa les billets dans la poche intérieure de sa magnifique pelisse. Ce mouvement permit à M. Schwartz d'apercevoir un riche uniforme et une large ceinture qui, sans aucun doute, allait impressionner vivement le faux prince. Puis l'agent de la police de son impériale majesté sauta rapidement hors du cab et M. Schwartz resta seul. « Oui, bien seul, définitivement seul, » continua le bonhomme dans le coin avec un ricanement. Un quart d'heure après, M. Schwartz, ne voyant pas revenir l'officier russe en splendide uniforme, commença à s'inquiéter et à se demander si peut-être il n'avait pas été trop prompt à prendre le prince Semyonitch pour un menteur et une canaille. D'ailleurs, il l'avoua plus tard, dès le départ du prétendu agent, il ne s'était plus senti à son aise. Les auteurs de ces vols à l'américaine ont une autorité, une fascination presque magnétique. Ils arrivent à en imposer à des personnes intelligentes et prudentes qui ensuite ne peuvent comprendre comment elles se sont à ce point laissées rouler. Je dirais même que la vraisemblance du prétexte employé importe peu, car c'est la personnalité plus ou moins grande du voleur qui décide du succès. Si cette personnalité est vraiment supérieure, n'importe quel truc sera bon. Le portier du hall de l'hôtel, interrogé enfin par M. Schwartz, déclara que la personne que celui-ci décrivait n'était pas entrée dans l'hôtel. Le jeune homme demanda alors à voir le prince Semyonitch, espérant que tout n'était pas perdu. Le prince le reçut très cordialement. Il était en train de dicter des lettres à son secrétaire tandis que le valet préparait l'habit de soirée de son maître. M. Schwartz expliqua difficilement ce qu'il désirait. Là, devant lui, il voyait le sac où le prince avait enfermé les bijoux et le portefeuille d'où le secrétaire avait tiré les billets. Après beaucoup d'hésitation, il finit par lâcher toute l'histoire et par montrer la carte du prétendu agent de la police russe. Le prince accueillit cette confession avec urbanité. Il montra au malheureux M. Schwartz le reçu et aussi une grosse liasse de billets de banque pareille à ceux que le pauvre M. Schwartz avait si follement remis au coquin du cab, et il ajouta que s'il pouvait aider en quelque chose à la poursuite et à la capture du voleur, il le ferait avec grand plaisir. M. Schwartz, désespéré, quitta l'hôtel. Il n'osa pas rentrer. Il alla le lendemain trouver un inspecteur de police qu'il connaissait. Celui-ci lui déclara qu'il serait d'autant plus difficile de retrouver les billets de banque qu'on n'en avait pas les numéros. Voilà ce qu'expliquait la lettre. M. Winslow, quoique très courroucé contre son neveu, ne voulut pourtant pas l'abandonner. Il parvint à retrouver le pauvre hôtel meublé où l'infortuné s'était logé et où il comptait demeurer jusqu'à l'arrestation du voleur. Cet heureux événement, inutile de le dire, n'arriva jamais, quoique la police ait fait tous ses efforts. L'aspect du prétendu agent russe n'était pourtant pas commun. L'admirable pelisse, la longue barbe, l'uniforme aussi, devaient attirer l'attention, même à 4 heures d'un après-midi brumeux de décembre. Mais toutes les recherches demeurèrent vaines. Personne n'avait rencontré dans Liverpool quelqu'un qui correspondît à la description donnée par M. Schwartz. Les journaux continuèrent à désigner cette affaire comme le mystère de Liverpool. Scotland Yard, à la requête de la police locale, envoya le célèbre détective Ward, mais il ne trouva rien. Quand le prince Semyonitch quitta Liverpool avec sa suite, celui qui, en le calomniant, avait réussi à voler 10 000 livres à messieurs Winslow et Bustle, était considéré comme absolument introuvable.